Double X on the track, bitch. J'étais petit, j'ai étonné tous mes tifs. J'suis tombé tant quand j'étais petit, j'ai étonné tous mes tifs. Nique les soirées sélectives, ces gens-là ont le mépris. J'devais sortir avec l'équipe, j'suis sorti avec cette fille. Elle m'attend devant l'épicerie, j'arrive, y'a un mec qui raconte sa vie. Il dit j'ai un appât dans le 16, d'habitude les filles j'leur dis next. T'es ma princesse, on fera l'amour sans complexe. Elle lui dit là j'attends mon mec. C'était la première fois mais elle m'habille sans stress. Jeune fille en détresse, tu peux plus rentrer sans métro. Et ta disquette je la connais, me parle pas japonais. Pour elle les sentiments c'est le tonnerre. Elle veut de l'amour et de la colère. Quand elle me dit ce qu'elle veut, je sais que je pourrais jamais lui donner. C'est soit tu suis au collège, soit t'apprends à voler sur Panam, Panam, Panam, Panam. J'me demande si t'as Panam, Panam, Panam, Panam. Oh oh, Panam, Panam, Panam, Panam. J'en ai marre des Panam, Panam, Panam, Panam. J'suis tombé dedans quand j'étais petit. Depuis j'me suis rasé les tifs. Les bourgeois devant les taudis. J'me souviens de cette mélodie. Comme de l'encre indélébile les piles sur mes t-shirts et mes jeans. Je devais sortir avec cette fille, mais je suis sorti avec l'équipe. Et ça cotise pour un delit. Je leur ai donné tous mes tips. J'ai un frérot colérique et un autre qui fait des tis. Je sais pas ce qu'on avait dans la tête quand on s'insultait. J'étais sûr que j'avais raison et quand j'y repense, je me sens seul sur terre. Mais je veux pas faire la queue à la.